suis à toi. Oh, yo, yo, yo. La famille ivoirienne chérie, tu m'as troublé, oh, oh. Tu m'as troublé, mon amour, je suis à toi. Je suis à toi. La famille ivoirienne chérie, tu m'as troublé, oh. Tu m'as troublé. Cher ami, tu... Et ça, c'est le soukou, ça dit. Et effacer les tableaux. Sorcier blanc. Aïe, oh sabo qui s'engueule. Sabo qui s'engueule. Sabo qui s'engueule. Sabo qui s'engueule. Dans la piste, tu as codé dans le cola ballon. Ah, sabo, et qui s'engueule. Sans pour sa mort.